la moisson ni la mer, tous les regards vers l'éphémère. Je vois fleurir le jour nouveau, je crois le rire du fou là-haut. Je veux saisir tous les mystères et m'affranchir de l'éphémère. Du phare sur tes idées pâles, on va faire tanguer les étoiles bien plus haut, bien plus haut. Allez, viens.